Le 30 avril dernier, nous apprenions la volonté de Claude Perdriel, propriétaire du magazine Science et Avenir, de fusionner ce titre avec un autre titre en sa possession, La Recherche, acquis quelques années plus tôt. Et ce, l'année où le magazine La Recherche fête ses 50 ans. Cette annonce a déclenché de vives protestations au sein de La Recherche, comme à l'extérieur, via une pétition signée de nombreux scientifiques de renom. Cet épisode arrive moins de 2 ans après le rachat de Science et Vie par le groupe Reworld, achat qui conduit au départ de 2/3 des employés du magazine et qui avait lui aussi créer une vague de mécontentement. Quel avenir pour la presse vulgarisée en France? C'est la question sensible à laquelle nous avons tâché de répondre. Presse scientifique sous pression, c'est le programme journalistique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et pour faire l'état des lieux donc de la presse vulgarisée en France et rappeler son histoire, d'où elle vient, ce qui pourra peut-être nous éclairer sur où elle va, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à distance Axel Honsbein, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Bordeaux, auteur d'une thèse sur la presse de vulgarisation scientifique au 19e siècle. Yves Siama, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique indépendant, président de l'AJSPI, qui est l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Et juste là, mais à bonne distance comme il se doit, mais dans ce si beau studio 551, j'ai le plaisir de retrouver ma camarade Cécile Lestienne. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science. Mais avant de nous pencher au chevet de la presse scientifique française, nous nous intéressons pour la dernière fois de la saison, et oui, déjà à l'actualité scientifique et de la recherche avec le dernier journal de la saison 4 de la méthode scientifique, et c'est toujours avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour ouvrir ce journal, une étude de l'Institut Pasteur parue hier montre que les enfants transmettent peu le virus du SARS-CoV-2. Et avec la rentrée des classes ce lundi, on peut dire que cette étude tombe à pic. L'objet de ce travail, c'était de comprendre comment le virus peut circuler chez les jeunes enfants de 6 à 11 ans, et notamment dans les écoles primaires. Cette étude épidémiologique a été menée à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, là où il y a eu un premier cluster le 24 février. 1340 personnes, enfants et adultes, ont passé des tests sérologiques pour vérifier s'ils avaient été infectés. En tout, 139 personnes ont été contaminées, soit 10% de la cohorte. Les résultats montrent que les enfants ne développent pas la maladie de la même façon que les adultes et surtout, contrairement aux idées reçues, que ce ne sont pas eux les plus contagieux. Olivier Schwartz est responsable de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Il est le co-auteur de cette étude. Il y avait dans cette étude environ 10% d'adultes qui n'ont montré aucun signe et donc étaient quand même infectés. On parle là d'infection asymptomatique. Chez les enfants, le pourcentage d'asymptomatique était plus élevé. Il y avait environ 41% des enfants qui n'ont montré aucun signe. C'était déjà connu, mais donc là, ça a permis d'être confirmé. Et surtout, ils ne font pas les mêmes signes cliniques. Ils n'ont pas de perte de goût, perte d'odorat. Ils font surtout des épisodes type diarrhéique et un sentiment de fatigue. Peu de fièvre, peu de toux. Deuxième enseignement, c'est qu'est-ce qui se passe donc au sein d'une structure familiale ou au sein des classes. Et donc, ce qu'on a observé, c'est qu'au sein d'une structure familiale, lorsqu'il y a un enfant infecté, eh bien, il y a de fortes chances de trouver un parent infecté. En revanche, dans les classes, si un enfant a été infecté, eh bien, il n'y a pas beaucoup de cas autour des enfants infectés, ni au niveau des enseignants de cette classe. Donc, cela semble indiquer que les enfants n'ont pas transmis le virus à leurs collègues de classe. Et en revanche, comme il y a eu un nombre élevé de parents qui étaient infectés, quand l'enfant était infecté, ça semble indiquer que finalement la transmission va plutôt du parent infecté vers les enfants plutôt que dans l'autre sens. En d'autres termes, les enfants n'ont pas l'air de transmettre le virus une fois qu'ils sont infectés. Voilà, on vous met évidemment le lien vers l'étude de l'Institut Pasteur sur notre fil Twitter, comme chaque jour, ainsi que tous les liens dont il va être question. C'est à retrouver donc sur le compte @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon le top 500 qui classifie les super ordinateurs les plus puissants, le nouveau super calculateur le plus rapide au monde est japonais. Et il s'appelle Fugaku. Il a été développé pendant 6 ans par la firme Fujitsu et l'Hurricane Institute. Il détrône le super calculateur américain Summit, le champion d'IBM, pendant 4 années consécutives. La vitesse de calcul de Fugaku est de 415 pétaflops contre 148 pétaflops pour Summit. Un pétaflop, cela représente 1 million de milliards d'opérations par seconde, 10 puissance 15. Le bolide a déjà été utilisé pour lutter contre le coronavirus, notamment pour simuler la façon dont les gouttelettes se répandent dans différents espaces. Le supercalculateur devrait être pleinement opérationnel en 2021. Les experts pensent déjà l'utiliser pour la recherche de traitements efficaces contre le virus. Une étude parue dans Nature Geoscience propose une nouvelle théorie sur la formation de Pluton. Et depuis les images de la sonde New Horizons en 2015, on pense qu'un océan liquide se cache sous une épaisse croûte de glace. On suppose que Pluton se serait formé comme une boule de glace agrégée et que son océan se serait développé par la chaleur générée lors de la décroissance radioactive à l'intérieur de la planète. Un scénario dit de démarrage à froid. Mais ce scénario ne colle pas avec les dernières observations géologiques. À sa surface, on voit des failles d'extension. Elles sont le signe que Pluton aurait eu un démarrage à chaud. Selon cette étude, la planète aurait été suffisamment chaude pour avoir un océan liquide dès ses débuts et elle se serait ensuite congelée petit à petit. La planète naine, bien sûr, la pauvre. Une étude parue dans The Astrophysical Journal enfin présente une méthode pour détecter les trous noirs supermassifs binaires. La plupart des galaxies ont un trou noir supermassif en leur centre et il se pourrait que certaines n'en ont pas un, mais deux trous noirs en rotation autour de l'autre. Les trous noirs supermassifs binaires ne sont que théoriques, nous n'en avons jamais détecté. Et une équipe internationale suggère que les émissions périodiques de rayons gamma du centre des galaxies actives pourraient être la signature de ces phénomènes. Grâce au Fermi Gamma Ray Space Telescope, ils ont découvert, sur plus de 2000 galaxies observées, 11 systèmes qui montrent des signaux gamma répétitifs, avec en moyenne une répétition du signal tous les 2 ans. L'équipe prévoit une campagne d'observation pour savoir si derrière ces signaux se cache un couple de trous noirs. Merci Natacha, donc je vous dis pas à demain, puisque demain et après-demain, ce sont 2 émissions spéciales. Et bien comme tous les ans, vous savez, pour conclure la saison de la méthode scientifique, on vous prépare des émissions un peu en forme de cadeau d'au revoir, de fin de saison pour partir avec plein de bonnes choses pour l'été. Donc on vous revoit du coup à la rentrée. À la rentrée. Allez, excellentes vacances Natacha. La presse scientifique de vulgarisation française ne se porte pas le mieux du monde, et c'est un euphémisme, comme le reste de la presse, me direz-vous, certes. Mais en quelques mois, presque coup sur coup, 2 événements importants ont touché 2 des principaux titres de presse vulgarisés. Ça a commencé par le rachat du plus ancien titre français, Science et Vie, jusqu'alors détenu par le groupe Mondadori, puis racheté par Reworld Media, connu pour ses pratiques pas vraiment tendres avec les titres qu'il rachète. Rachat qui a été suivi par le départ de 2/3 des journalistes de Science et Vie. Et puis plus récemment, en plein confinement, l'annonce de la volonté de Claude Perdriel, propriétaire de Science et Avenir et de la Recherche, de fusionner les 2 titres en un seul, et donc les rédactions seront également fusionnées, l'année où la Recherche fête ses 50 ans d'existence. Alors que se passe-t-il dans la presse scientifique française? Cette crise est-elle inédite? Comment cette presse s'est-elle structurée au fil des années pour que nous en arrivions là? 3 invités pour répondre à ces questions. Axel Hunsbein qui est avec nous en ligne, Yves Siama également et Cécile Lestienne. Est-ce que nous vivons comme une crise inédite de la presse scientifique n'est en fait certainement que le nouveau chapitre d'un long feuilleton qui remonte aux origines de la presse vulgarisée. C'est ce dont témoigne notre archive du jour issue de l'heure de la culture française. Nous sommes en août 1953. Le premier périodique scientifique, le Journal des Savants, paraissait en effet depuis quelques mois. Son premier numéro, un mince feuillet in quarto, était daté du 5 janvier 1665, et sa publication se poursuit encore de nos jours. L'interdiction dont il se trouva frappé dès le début de sa carrière avait pour motif officiel la liberté de jugement dont faisaient preuve les rédacteurs en rendant compte des ouvrages de leurs contemporains. On avait saisi l'occasion de quelques réclamations formulées par des auteurs mécontents. En réalité, il existait à ces difficultés d'autres causes sur lesquelles on insista moins. Les jésuites et la Sorbonne craignaient surtout que le journal, faisant trop de place à la littérature étrangère, ne contribuât à répandre en France des idées qu'il condamnait. Le souhait de Guy Patin fut exaucé. Le Journal des Savants reparut en 1666, à peu près au moment où se constituait l'Académie des sciences. Le privilège en fut retiré à son fondateur. Celui-ci, d'ailleurs, Denis de Salot, n'avait jamais été mentionné dans les premières livraisons, qui étaient signées d'un prêtre nom, le sieur de Hédouville. Malgré la brièveté de sa première période, le journal des savants avait suscité parmi le public une grande curiosité. De toutes les gazettes qui paraissaient alors, il était le seul à faire une place prépondérante aux mathématiques, à la physique et aux sciences naturelles. Voilà, archives de la radiodiffusion française 1953. Donc voilà cette crise du journal des savants qui est l'ancêtre de Science et Vie, puisque ce serait a priori le premier périodique littéraire et scientifique d'Europe, qui a connu de nombreuses crises. C'est un peu constitutif de cette presse qui n'est pas encore vraiment de la presse de vulgarisation. Axel Honsbein, de subir différentes crises qui vont restructurer un peu la façon dont on transmet les savoirs. Oui, on peut même tout à fait dire que le 19e siècle est une succession de crises pour pas mal de périodiques, à part quelques piliers. Et les piliers finissent par s'installer à peu près dans les années 1870. Auparavant, les titres ont beaucoup de mal à exister, ils ont des problèmes de réputation, ils ont aussi des problèmes de personnel, c'est-à-dire que les gens qui écrivent dedans sont souvent des polygraphes ou des gens qui n'ont pas de formation scientifique en tant que tel, si bien que des gens comme Auguste Comte, par exemple, pourront parler des vulgarisateurs comme de trafiquants de science. Mmh. Peut-être un mot, une réaction, Cécile, à cette archive que vous venez d'entendre. Nous, effectivement, on a l'impression, comme vous le disiez tout à l'heure, Nicolas, que c'est un très très long feuilleton, cette histoire de la presse scientifique et de la vulgarisation scientifique, mais nous sommes toujours là quand même, et donc je pense qu'il y a de l'espoir pour l'avenir, mais on retrouve toujours cette ambivalence, cette espèce de petite guéguerre entre les gens du monde de la recherche et les gens du monde de la vulgarisation qui s'accusent les uns les autres de se manipuler. Yves Siama, un mot sur cette archive également et sur cette crise éternelle en quelque sorte de la vulgarisation scientifique ou de la transmission du savoir, qu'il soit d'ailleurs scientifique ou littéraire, comme pour le journal des savants de ce qu'on vient d'entendre. Ce qui m'a plu dans votre petite archive, c'est que on voit déjà que les choses qui dérangent dans cette presse, que je qualifierais pas forcément de vulgarisation, c'est justement qu'elle est assez critique, en fait, et elle ne dit pas toujours ce que les savants voudraient qu'elle dise. Donc, bien sûr, elle rapporte leurs propos, mais en même temps, elle a une distance, une indépendance et un petit côté incontrôlable. Voilà, qui me plaît et dont je pense qu'on a vraiment besoin socialement aujourd'hui. Peut-être un mot rapide sur l'actualité, on y reviendra plus précisément dans la deuxième partie de l'émission, mais en l'occurrence sur cette fusion annoncée de Sciences et Avenir et de la Recherche, je le disais tout à l'heure, il y a une pétition qui a été lancée, qui a été signée par de nombreux chercheurs très renommés, de chercheuses aussi, ça fut le cas également au moment du rachat de Sciences et Vie par ReWorld. Ces pétitions, Yves Siama, elles servent à quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose aujourd'hui pour empêcher Claude Perdriel de fusionner ces deux titres? Alors, je pense que ça sert à quelque chose, c'est-à-dire que ça met le projecteur sur le fait que le traitement de l'information scientifique dans la société d'aujourd'hui, c'est essentiel. Bien sûr, il faut trouver un business model pour payer ça et des solutions économiques. Et ça, c'est pas forcément ma spécialité, mais pointer ça comme un problème pas seulement économique justement, mais un problème social collectif, le fait d'avoir une bonne presse scientifique, ça me paraît très important. Cécile Lestienne, à votre avis, ces pétitions, c'est une sorte de cri du désespoir, de dire ah mais non, on ne veut pas, mais en fait, ces patrons de presse ou ces groupes de presse font strictement ce qu'ils veulent une fois qu'ils ont la main sur ces titres-là. Oui, enfin, ce n'est pas à moi à donner de leçons à personne, surtout de ma position, puisque je dirige pour la science et cerveau et psycho. Je dirais juste que ça sert, je suis d'accord avec Yves, quand il dit que ça sert à mettre en lumière le fait que la presse scientifique est importante, et ça, évidemment, je suis d'accord avec ça, et ça le restera pendant longtemps, pour toujours même, je pense. Mais par ailleurs, la presse scientifique est comme le reste de la presse, est dans le même monde que le reste de la presse, où c'est très difficile en ce moment, pour des raisons économiques, et les journaux n'en meurent pas toujours non plus. Enfin, Science et Vie a effectivement été acheté, mais et bon, il se trouve que j'ai travaillé à Sciences et Vie et à Sciences et Avenir. Et quand j'étais encore à Sciences et Vie, les titres appartenaient encore à Paul Dupuis, qui était le petit-fils du fondateur de La Science et la Vie, puisque ça s'appelait comme ça en 1913, au moment de son lancement. Mais entre-temps, il a été revendu trois fois. Il a été vendu à IMAP, puis à Mondadori, et maintenant à Reworld Media. Et la recherche aussi a changé de propriétaire beaucoup de fois. Et, donc, C'est un paysage en mutation. La question, c'est ce que la question initiale, parce qu'on va revenir sur le panorama de la presse vulgarisée de cette presse scientifique en France, mais c'est ce que est-ce que ces pétitions, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir tous ces grands noms de la science qui viennent pour dire ne touchez pas notre presse scientifique? Ça sert, comme je disais, à mettre en lumière son importance. Et si ça peut faire prendre conscience à certains de vos auditeurs, à certains de nos lecteurs, effectivement que c'est une presse précieuse parce qu'on a besoin de cette information scientifique aujourd'hui dans la démocratie et qu'il y a une façon effectivement de sauver ces journaux, achetez-les. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc de la presse scientifique française et des remous, des crises bien historiques et successives qu'elle a pu traverser jusqu'à celle qu'elle est en train de traverser aujourd'hui. Mais justement, pour comprendre les raisons de cette crise, il est évidemment intéressant de se tourner en arrière et de voir ce qu'est l'histoire de cette presse vulgarisée en France, comment elle s'est structurée historiquement. Axel Honsbein, c'est vos travaux de recherche portent justement sur la presse de vulgarisation en France. À quel moment, parce que là on entendait le journal des savants, c'est un fascicule, on ne peut pas vraiment encore parler de vulgarisation. À quel moment cette notion de vulgarisation apparaît dans la presse scientifique française? Alors si vous parlez de vulgarisation, ça apparaît au 19e siècle, mais déjà, bon, on ne va pas remonter trop loin, mais au 18e siècle, on parlait de popularisation. Il y avait les livres de Fontenelle qui sur les entretiens sur la pluralité des mondes, par exemple. Et ensuite, à partir des années 1830, Émile de Girardin va fonder le journal des connaissances utiles, puis le musée des familles. Et Charton va fonder le magasin pittoresque, qui sont donc des magasins, donc ça donnera magazine, hein, ça vient de l'anglais, qui sont des hebdomadaires de 8 à 16 pages et qu'on achète chaque semaine et qui contiennent plein de choses sur la culture générale, dont des sciences. Ça, c'est le premier type, on va dire, populaire de presse. Et avec l'arrivée de Napoléon III en 1851, cette fois-ci, comme Napoléon III est extrêmement autoritaire et qu'il n'aime pas la presse politique, il va la museler, les interdits pleuvent. Et donc les journalistes sont obligés de se tourner, et notamment beaucoup de journalistes socialistes, mais on ne le saura jamais dans ce qu'ils écrivent scientifiquement, mais ils vont se tourner vers parfois la vulgarisation scientifique. Et c'est pour ça qu'on a plein de gens comme ça qui commencent à publier dès 1855, avec par exemple l'exposition universelle de Paris, hein, qui est un véritable... Oui. Oui, non, allez-y, je vous en prie. Qui est un véritable démarreur, hein, pour cette presse-là. Ça va lancer donc toute une collection de titres. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites, Axel Honsbein, que la bascule, c'est Girardin, donc on est en 1831, puisque avant, il y a tout de même, donc à partir du journal des savants, on est donc au milieu du 17e, et ensuite tout au long du 18e, il y a plein de périodiques scientifiques qui sont plus ou moins spécialisés. Cette presse pré-vulgarisation, en fait, qui la produit et à qui elle s'adresse? Alors, cette presse de popularisation, à l'origine, elle ne concerne pas le grand public du tout. Donc, ce sont vraiment des gens qui s'adressent probablement à des personnes lettrées, des nobles qui sont... Enfin, le lectorat est très, très réduit. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et puis, ça privilégie surtout plutôt l'ouvrage de librairie au lieu de la presse. Quand vous avez toutes les presses mécaniques qui commencent à se développer dans les années 1820-1830, on peut commencer à avoir des tirages phénoménaux. Et on met l'accent aussi sur l'image, puisque pas mal de gens ne lisent pas le texte ou n'ont pas envie ou ne peuvent pas. Et du coup, on met l'accent sur de très très grandes images. Et par exemple, le Charton, avec le magasin pittoresque en 1833, va racheter tout le fonds d'images et d'articles de Charles Knight, qui avait fondé le Penny Magazine juste un an avant en Angleterre, à Londres, pour le traduire et le donner à voir, en fait. Et c'est à partir de là, vraiment, 1830, qu'on peut considérer qu'on entre dans un régime de vulgarisation tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, avec des images, du texte... On vient de mettre là sur le fil Twitter de l'émission Presse de vulgarisation scientifique et diffusion des savoirs biologiques, c'est-à-dire vos travaux pour que les auditrices et les auditeurs puissent y jeter un œil, parce que c'est des travaux vraiment passionnants. Moi, j'ai adoré lire et découvrir finalement les origines de ce qui amène finalement et ce qui commence à ouvrir finalement le grand public à ces notions scientifiques. J'ai lu cette anecdote que je trouve assez géniale, celle de François Arago quand il est élu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui va commencer à publier en 1835 des comptes rendus de l'Académie, parce qu'il part du principe que personne n'y comprend rien, et au premier chef, les journalistes. Bon, ça c'est rigolo. Et François Arago, c'est un astronome, c'est un homme politique, il est très populaire, il fait beaucoup pour le peuple, il a publié une somme astronomique que les gens aiment bien. Et en tant que secrétaire perpétuel, il décide d'ouvrir au public, et donc ça veut dire aux journalistes. Sauf qu'il est effectivement, ils sont vite, rapidement horrifiés de voir ce qui se raconte, en fait, parce que personne n'y comprend rien. Et donc il va mettre en place les comptes rendus de l'Académie des sciences. Mais ça pour moi, c'est pas de la presse de vulgarisation scientifique. C'est plutôt c'est des minutes, et c'est assez austère à lire. Hein. Mais au moins, il veut que ça soit gravé dans le marbre et accessible, on va dire, à tous, en un sens. Et alors justement, ce journal des connaissances utiles de Girardin, en quoi il diffère de ces bulletins ou de ces notices qui s'adressent encore une fois plutôt à un public de savants qu'au grand public en règle générale? Alors oui, le journal des connaissances utiles, surtout pour moi le musée des familles et le magasin pittoresque de Chartrand. On est à la même époque. Le journal des connaissances utiles c'est 1831, le magasin pittoresque c'est un petit peu plus tard, mais c'est vraiment la même période quoi. C'est 1833. Voilà. Ce qui diffère, c'est le tirage. Le journal des connaissances utiles commence d'emblée à 80 000 exemplaires. Je crois qu'il va doubler ça en un an. Le magasin pittoresque ne coûte que un sou au début, donc c'est rien du tout. Et donc, tout le monde peut l'acheter, même s'il ne le lise pas. C'est plein d'images. C'est vulgarisé, ça veut dire qu'on écrit dans un langage simple, et surtout c'est pittoresque, c'est un adjectif qui à l'époque signifie surtout pictural, mais bientôt ça prendra aussi le sens qu'on connaît de piquant, d'intéressant, et à partir de là tout le monde achète ça pour découper, garder les images. Voilà. C'est vendu dans quels endroits? C'est envoyé? Qui est le public aussi qui justement s'intéresse et commence à acheter ce journal des connaissances utiles ou ce magasin pittoresque? Alors normalement c'est plutôt par souscription, idéalement on s'abonne, et puis petit à petit avec le développement aussi de tout ce qui sera au fil du temps, les gares et toutes ces choses-là, on commencera à trouver ces journaux dans différents, ce qui s'appelle des kiosques. Quoi, oui. Et c'est évidemment très lié, ce que vous le dites, à l'illustration, ce sont des journaux illustrés et les images ont une place très très importante évidemment. Alors, elles ont une place absolument importante, et souvent les périodiques se les volent les uns aux autres parce que ça coûte très cher de fabriquer ces images et de les graver. C'est des gravures en noir et blanc. C'est assez magnifique quand ça coûte cher. C'est assez laid dès que ça coûte pas cher. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de périodiques qui produisent ou qui volent des choses qui sont souvent hideuses ou qui sont des copies de copies de copies. Donc on sent que la gravure est épuisée à force d'avoir servi. Ce qui fait que ça crée une impression un petit peu d'étrangeté et parfois on sent que c'est un peu faux. D'accord. Et c'est pour ça, en fait, je vous parlais d'Auguste Comte qui parlait des trafiquants de science avec le mot vulgarisé, c'est vulgaire, hein, donc ça ne plaît pas. Ça met beaucoup de temps à pénétrer, en fait, aux yeux des savants et dans la société. On a mis du temps à considérer ces vulgarisateurs comme étant fiables. Hein. On a mis jusqu'à 1873, en fait. Oui. On va arriver à 73 après la guerre de Prusse. On a retrouvé là, on vient de le publier aussi sur Twitter, sous la monarchie de Juillet, tout de même, le journal des connaissances utiles compte 132 000 abonnés. Ce qui, par rapport à la population française, est immense, quoi. C'est assez gros, c'est assez énorme. Mais ça, ce sont les magasins généralistes. C'est-à-dire que non seulement il y a de la science, il y a un petit peu de littérature, il y a de la morale, il y a un peu de philosophie, des beaux-arts. Donc c'est de la culture générale au sens large. Ce serait plutôt l'ancêtre, on va dire, de quelque chose comme, je sais pas, des revues comme Ça m'intéresse ou L'éléphant à l'heure actuelle. Voilà. Et justement, j'allais vous demander, dans ces premiers journaux, avant d'arriver à la nature, quel type de science on trouve? C'est-à-dire jusqu'où est-ce que on commence à expliquer la science? Est-ce que c'est plutôt de la médecine, de la santé? Un peu d'astronomie, qu'est-ce qu'on trouve en termes de contenu scientifique? Alors ça va beaucoup varier, mais toute la première moitié du siècle et jusque sous le Second Empire, donc jusqu'en 1870, c'est vrai que l'astronomie est quand même phénoménalement à succès, hein, puisque Arago est astronome. Beaucoup d'amateurs en fait sont facilement astronomes, il suffit d'avoir une mauvaise lunette pour scruter le ciel, c'est quelque chose qui fait facilement rêver. On a ça, avec la montée en puissance de tout ce qui est observation, avec Claude Bernard par exemple, on aura l'hygiénisme qui va monter. On aura par la suite tout ce qui est plus tard dans le siècle, la vélocipédie, le bricolage, les techniques, tout ce qui est moteur et moteur et technique. Et alors donc arrive ce qui va être l'ancêtre, ou en tout cas peut-être le début ou la bascule dans la contemporanéité de la vulgarisation à proprement parler scientifique. Après la guerre de Prusse, je le disais, en 1873, vous en parliez, Axel Honsbein, Gaston Tissandier fonde La Nature. Oui, alors là c'est un choc complet. Enfin, c'est vraiment pour moi c'est la rénovation totale du paysage parce qu'auparavant c'était une presse qui avait peu de moyens, qui était relativement mal considérée. Il y a des grands noms hein, comme Louis Figuier, Camille Flammarion, mais par exemple eux ne touchent pas à cette presse spécialisée hebdomadaire. Ils publient dans des quotidiens plutôt où ils font carrément des livres ou des choses annuelles. Donc là, Gaston Tissandier, ça va être le premier savant. Parce qu'il est chimiste, c'est un héros de guerre, hein. Il est aérostatier pendant le siège, hein. Il a la Légion d'honneur en 1872, il a été formé par Édouard Charton au sein du magasin Pittoresque pour qui il a publié plein de choses sur la houille, la photographie, vous voyez. Donc il est connu, il est aimé, il est respecté et il décide en plus de se consacrer pleinement à la vulgarisation et non plus à la science, même s'il continuera, hein, à travailler sur tout ce qui est les ballons captifs et toutes ces choses-là. Et il va fonder La Nature et il va s'associer avec l'éditeur Masson qui est un éditeur savant qui a existé jusqu'à récemment puisque Elsevier l'a racheté, je crois, à la fin du XXe. Et donc il va s'associer à Masson qui est puissant et qui va faire de ce périodique toute la vitrine en fait de sa maison d'édition et de la vulgarisation scientifique au sens noble, parce que en tant que savant, Tissandier a toutes ses entrées dans l'institut, les académies, les sociétés savantes, et il a accès aussi aux graveurs du magasin Pittoresque. Donc illustrations magnifiques, alors vraiment magnifiques, elles sont toutes numérisées sur le Conservatoire numérique des arts et métiers, le CNUM. Faut y aller. On va vous trouver le lien, on va le mettre tout de suite, pareil, sur le fil Twitter. Oui, c'est des très très très belles illustrations, effectivement. Et les scans sont formidables aussi. Il y a une bonne équipe là-bas. Et donc voilà, ils vont faire plein d'images, plein d'illustrations. Des gens comme Étienne Jules Marais ou des vrais savants, on va dire connus, vont rédiger et vulgariser. C'est en un sens, c'est l'ancêtre de la recherche. C'est pas étonnant qu'ils fusionnent avec les années 70. La recherche va fusionner. Bah, 100 ans après, quasiment 100 ans après, en 1972, hein, c'est ça. C'est ce que vous appelez Axel Honnesbein, l'âge d'or, l'essor de la presse vulgarisée telle qu'on la va la connaître aujourd'hui, à partir de la fin du 19e jusqu'au début du 20e. Totalement. Alors il faut relativiser parce que on parle de vous me donniez les chiffres des magasins généralistes, mais par exemple Tissandier lui explique dans les années 1880 que c'est un grand succès et il tire environ à 18 000 exemplaires. C'est lui qui donne les chiffres. Donc c'est quand même pas un énorme tirage par rapport au quotidien qui tire à 250 000 voire 700 000 à la fin du 19e certains. Mais c'est un beau succès d'estime. C'est une revue qui coûte cher, La Nature. Elle coûte 50 centimes alors que normalement vous payez 10 centimes ou 15 centimes. Donc c'est une revue de luxe un petit peu. Hein, on la garde précieusement, mais oui, ça change tout, quoi. Et on, y a, c'est l'époque vraiment de la presse hebdomadaire. On est sur des formats hebdomadaires avec beaucoup d'illustrés comme La Science Illustrée, La Science Française, La Science Populaire. Et puis le tournant vers la modernité, et ce sera peut-être le point de jonction vers ce qui nous occupe aujourd'hui et vers la constitution de ce que va être le panorama de la presse vulgarisée en France. C'est la création de La Science et la Vie en 1913. Pourquoi est-ce que ça constitue un tournant, selon vous, Axel Honnesbein? Alors, à partir de 1903, il y a quand même une crise. Des années 1890, il y a une énorme crise au sein de cette presse, parce qu'il y a un trop-plein, trop de titres, ils se ressemblent tous. Les titres que vous avez cités, d'ailleurs, c'est La Science Française, La Science Pittoresque, La Science, etc. Du coup, ils essaient tous de s'amalgamer, de s'associer, de fusionner. Enfin bref, c'est une gigantesque foire d'empoigne. Et à partir de 1903, clairement, ils perçoivent qu'ils perdent la main sur plein de choses qu'ils avaient lancées, notamment tout ce qui est bricolage, vélocipédie, automobile, sport et hygiénisme. Tout ça, ça s'autonomise et ça devient des loisirs, et plus de la science. Si bien qu'en fait, ils sont obligés de se recentrer sur des domaines qui n'ont jamais vraiment été beaucoup utilisés, on va dire, comme les maths, la chimie, qui sont plus austères à transmettre. Et donc, dès 1903, pas mal de titres se transforment, s'inventent plutôt, apparaissent, deviennent mensuels, arrêtent de mettre en valeur, on va dire, une déesse scientia, une science toute puissante, et valorisent plutôt une forme une maîtresse d'école dans les représentations visuelles. Et donc, ils deviennent mensuels. Ils n'ont plus de pagination continue, parce qu'avant vous achetiez votre numéro chaque semaine et il avait une pagination continue pendant tout un semestre, et à la fin vous pouviez le relier et en faire un livre. Et désormais, avec La Science et la Vie, évidemment, en 1913, hein, c'est lui qui fait vraiment le point de départ, c'est mensuel, vous avez une magnifique couverture vraiment splendide qui change chaque mois, et surtout il y a cette espèce d'invention de différence entre les textes longs qui sont des dossiers thématiques et tout ce qui est les brèves, comme vous avez pu les faire au début de votre émission, par exemple. Et on va voir à partir de là que, eh bien, va se composer tout au long du XXe siècle, avec évidemment des pauses entre au grand conflit mondial, le panorama de ce qu'est notre presse vulgarisée française, pour arriver à ces quatre titres: Science et Vie, hérité de La Science et la Vie, Science et Avenir, La Recherche pour la Science. C'est ce dont nous allons parler dans la suite de cette émission. connu. L'ouverture de l'hiver de Vivaldi, mais recomposée par le compositeur allemand de grand talent Max Richter à 16h32 sur France Culture. Nous parlons du panorama de la presse vulgarisée scientifique en France. Nous en parlons avec Axel Hotzbein, qui est maître de conférence à l'université de Bordeaux, qui est auteur d'une thèse sur la presse de vulgarisation scientifique au 19e siècle. Il vient nous raconter justement comment s'est composé les prémices du paysage français actuel. Nous sommes également en ligne avec Yves Siama, qui est journaliste scientifique, président de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, et avec Cécile Lestienne, qui est ici avec moi en studio et qui est directrice de la rédaction de Pour la Science. Comment, j'aimerais vous, peut-être une réaction à Yves Siama et Cécile Lestienne, on ne vous a pas beaucoup entendu dans cette première partie, sur la façon dont on arrive aujourd'hui à cette forme contemporaine, moderne, du magazine d'information scientifique. Cécile Lestienne. Eh bien, je crois que ça a été très bien montré dans cette première partie de l'émission que c'est effectivement un écosystème en perpétuel remaniement. Il y a eu beaucoup d'autres journaux depuis. Il y a encore quand même pas mal de journaux aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a des journaux généralistes comme le mien, Pour la Science, il y a La Recherche, il y a Science et Avenir, il y a Science et Vie. Mais il y a aussi beaucoup d'autres magazines comme Ciel et Espace, alors qu'ils sont souvent sur un registre plus étroit. Mais bon, Ciel et Espace, on comprend, ça parle d'astronomie et de cosmologie. Cerveau et psycho, chez moi, voilà, qui parle de neurosciences et de psychologie. Enfin, il y en a quand même beaucoup. Et par ailleurs, la presse scientifique, comme tout le reste de la presse, est assez bouleversée à chaque fois qu'un nouveau média apparaît. Et donc, effectivement, la presse en général, il y a eu d'abord l'arrivée de la radio, mais la radio est tout à fait capable de parler très bien de science, Nicolas, vous n'allez pas me dire le contraire. Merci, je prends comme un compliment. Ensuite, il y a eu la télévision, et puis il y a Internet, et puis tout le développement aujourd'hui du monde numérique, et voilà, où il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, on ne va pas se raconter de carabistouille, c'est difficile pour la presse aujourd'hui, pour la presse papier aujourd'hui, parce que économiquement, elle a beaucoup de mal à trouver les ressources suffisantes pour vivre, et il faut bien trouver les moyens de payer les journalistes. Voilà, mais je suis quand même assez confiante sur l'avenir, au sens où, justement, il y a beaucoup de choses. Il y a des émissions de radio, il y a des émissions de télé, il y a des podcasts, il y a beaucoup de youtubeurs aussi. Absolument. Formidable, que vous invitez d'ailleurs régulièrement, ce qui veut dire que ça intéresse toujours les gens. Et ce qui m'inquiéterait, c'est s'il n'y avait plus de public. Après, maintenant, il va falloir trouver les moyens, effectivement, de continuer à... De trouver les modèles économiques qui soient... Qui nous permettent de vivre. Viables, bien sûr. Et de donner l'information comme nous la donnons, parce que par ailleurs, en revanche, je pense que tous ces canaux ne se remplacent pas les uns les autres, ils sont tous complémentaires. On n'écrit pas, on ne parle pas exactement de la même façon sur du papier ou à la radio. À la télévision ou sur YouTube, évidemment, ce sont des modes, des médias différents qui conduisent à une expression et une formulation différente de la science et de la vulgarisation. Yves Siama, sur la constitution, en tout cas, de ce qu'est le panorama aujourd'hui de la presse vulgarisée française. Alors moi, je suis toujours un peu impressionné par la diversité et l'ampleur de cette presse, parce que finalement, souvent... Les gens s'intéressent pas à grand chose, se sont fait avoir par la société du spectacle, l'entertainment qui les a décérébrés, etc. Mais en fait, on se rend compte que il y a plus de 500 000 personnes en France qui sont abonnées à un journal scientifique papier, si on fait un peu les totaux, probablement beaucoup plus. Et puis, il y a tous ceux qui fréquentent leur site internet, qui vont lire leurs articles. Et je suis d'accord, c'est tout un écosystème très vaste. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un signe de vigueur et de santé intellectuelle, presque. Mais l'autre chose que je voudrais dire sur cet écosystème, quand même, c'est qu'il y a une sorte d'utilité publique, quand même. Parce que si on regarde, par exemple, ce qui s'est passé récemment avec la crise du Covid, qui a posé plein de problèmes... de fausses rumeurs qui ont circulé dans tous les sens, de personnalités qui sont apparues comme des météores et qui étaient partout sur les médias. Et ben, si on regarde la façon dont cette presse scientifique a traité cette crise et plus généralement les différents sujets, et ben elles s'en est très bien sorties. Mais vous trouvez pas justement, Yves Siama, que je vous interromps, mais vous trouvez pas justement que là on pointe quelque chose d'assez passionnant, qui est de dire que on traverse une crise sanitaire qui montre l'importance l'actualité scientifique, et d'une actualité scientifique qui soit traitée correctement, avec pondération, avec une sorte de vision suffisamment panoramique pour comprendre ce qui relève d'une étude plus ou moins sérieuse, d'un préprint, pour justement décrypter cette actualité scientifique. On se rend compte que ce décryptage-là, il n'est pas vraiment fait, ou en tout cas il est relativement mal fait par les canaux d'information dits généralistes, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'attention ou de personnes à même de pouvoir traiter la science. Et de l'autre côté, on voit un panorama de la presse scientifique dont on dit et dont on constate qu'elle a effectivement fait un très bon boulot pendant cette période-là, mais qui est quand même en train de se réduire comme peau de chagrin. On connaît les méthodes de Reworld, alors on va pas... parier sur le pire systématiquement, mais enfin on sait que Reworld Media a souvent détricoté et déshabillé tous les titres un peu historiques qu'il a récupérés pour en faire du contenu essentiellement sur Internet. On voit que vraisemblablement un titre important et spécifique dont on va reparler de la presse vulgarisée française va disparaître et fusionner avec un autre titre. Ça veut dire qu'on va perdre un titre et donc une spécificité. Comment est-ce que vous expliquez, Yves Siama, ce paradoxe-là? Alors d'abord, moi je dirais que la messe n'est pas dite. Science et Vie a certes été racheté par Reworld, mais a conservé l'ossature fondamentale de sa rédaction, a conservé beaucoup de compétences. Je ne sais pas si les chiffres qui ont été dits tout à l'heure sont tout à fait exacts pour les journalistes, en fait, mais peu importe. En tout cas... Excusez-moi, je vous interromps à nouveau, mais juste pour préciser cela, parce qu'il y a un auditrice ou un auditeur qui nous a fait cette remarque en disant qu'il y a eu 2/3 de licenciements. Ce ne sont pas des licenciements, hein. C'est-à-dire qu'au moment du rachat de Mondadori par Reworld Media, il y a eu une clause de départ qui appartient aux journalistes, et lorsque, à un moment donné, l'actionnaire du média change, on peut partir naturellement dans une rupture à l'amiable, et je crois qu'en tout et pour tout, ça compte 2/3 de la rédaction. Je parle sous votre contrôle, Cécile, à peu près, non, vous savez pas. Pas sur mon contrôle, En tout cas, c'est ce que j'en ai lu. Il y a 2/3 des journalistes qui auraient, c'est ce que j'ai lu, je ne crois pas me tromper, je vais vérifier, je vais demander d'ailleurs peut-être à l'équipe de la méthode de vérifier ça, mais je crois qu'en tout, il y a 2/3 de la rédaction qui a été renouvelée. Voilà ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Non, mais après, dans une rédaction, il y a des journalistes et il y a d'autres gens. Enfin, bon, mais bon. Je maintiens ce que je disais, peu importe à la limite le chiffre exact, ce qui est important, c'est que l'ossature soit toujours là et que le magazine continue. Et je pense que la recherche est effectivement menacée, mais que là encore, la messe n'est pas totalement dite non plus. La pétition qui s'oppose au cours actuel est toujours ouverte, d'après ce que me disent mes collègues. Nous verrons. Bon, c'est certain que, de façon générale, le paysage médiatique est un peu sinistré par-delà la science, et le paysage de la science, du coup, n'échappe pas à cette règle générale, mais moi, j'ai quand même la conviction que ça va faire un peu comme la nourriture, si vous voulez. On s'est habitué pendant un moment à manger n'importe quoi et à payer très peu pour ça, et puis il y a un moment où il y a des gens qui commencent à dire qu'ils préfèrent payer plus mais avoir de la qualité, et je pense que c'est ce qui va se passer avec l'information, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations gratuites en ce moment, mais elles souffrent de divers défauts, et par contre, effectivement, le bon journalisme, et le bon journalisme scientifique nécessite du temps d'enquête, des personnes qui sont cultivées et qui prennent le temps, et donc ça a un coût, et voilà, moi mon espoir c'est que il y aura de plus en plus de gens qui seront conscients de ça et qui seront disposés à payer ce coût pour avoir de la bonne information. En tout cas, je pense que peut-être que cette crise du coronavirus, cette crise sanitaire peut constituer un tournant parce que elle a en accéléré comme une loupe rendu vraiment visible que les journaux scientifiques d'une part et d'autre part les journaux généralistes mais qui avaient une équipe de scientifiques de journalistes scientifiques en leur sein, il y a plusieurs grands quotidiens qui ont des pages scientifiques régulières. Ben, ces journaux-là ont vraiment tenu le cap, ne sont pas tombés dans les pièges et ont tout au long de cette crise donné de l'information exacte et de bonne qualité. Et je pense que il va y avoir quand même un moment où on va solder les comptes, enfin en tout cas je l'espère, et réaliser voilà, l'important d'être bien informé. Et j'ajouterais, si vous voulez, que dans une crise comme celle qu'on vient de voir, l'opinion publique détermine la santé publique. C'est-à-dire que si l'opinion publique se met à croire des choses fantaisistes ou se met à ne pas croire les consignes sanitaires qu'on lui donne, ça devient un problème vraiment de santé publique. Et donc, moi, je maintiens que le journalisme scientifique est une activité d'utilité publique. Ça, je pense que vous prêchez des convaincus, Ilsiama, autour de cette table, et puis certainement parmi beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs. J'ai les chiffres exacts, hein, 330 journalistes en CDI à Science et Vie, 190 ont démissionné en faisant jouer la clause de cession. Non. Ils ne peuvent pas être 330 journalistes à Science et Vie. 330, ah non, ça doit être 330 personnes, alors c'est pas journaliste. Dans le groupe peut-être. Ça doit être dans le groupe, oui. Oui, dans le groupe, ça, mais sinon. Ça doit être. Bon, alors. J'aurais adoré travailler dans un groupe avec 330 journalistes à Science et Vie. Bon, on va oublier cette question de chiffres. Juste alors, la question tout de même qui se pose aujourd'hui, c'est que quand on regarde les tirages des différents titres de presse, pour le dire vite fait, on est pour Science et Vie autour de 230 000, Science et Vie autour de 200 000, la recherche autour de 30 000, pour la science autour de 30 000 autour aussi. De 30 000 aussi. Donc ça arrive au calcul que vous faisiez tout à l'heure, Yves Siama, c'est-à-dire à peu près 500 000 personnes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, et on voit le problème, c'est que quand on regarde sur les 5 dernières années, ces chiffres ont tendance à baisser plus ou moins en fonction des titres. Les titres avec moins de tirages sont un peu plus stables. Les titres avec un peu plus de tirages, j'ai regardé, je crois que Science et Avenir a perdu pas loin de 50 000 ventes par an depuis 5 ans, si j'ai bien lu les chiffres. La question donc qui se pose, puisque tout cela est dans le contexte global d'une crise de la presse que vous évoquiez tout à l'heure, Cécile, est-ce qu'il y a aujourd'hui un lectorat suffisant, de la place suffisante pour 4 titres individués sur le marché français en vulgarisation générale? Bien, je l'espère. Comme je le disais tout à l'heure, la presse en France en général est en crise pour des tas de raisons dont certaines sont très éloignées de notre propos d'aujourd'hui, qui est notamment la crise de la distribution. Prestalis, qui distribue les journaux papier, est en grave crise. Ça fait des années, cette histoire. On va tous perdre beaucoup d'argent avec cette histoire. Voilà. Mais ça touche tout le monde, pas uniquement la presse scientifique. Au risque de me répéter, à chaque fois qu'un nouveau média apparaît, un nouveau canal de l'information apparaît, ça rebat les cartes. Effectivement, quand la radio est arrivée, avant il n'y avait que de la presse papier, donc pour s'informer il n'y avait que le papier. Puis la radio est arrivée, puis la télévision, puis maintenant Internet. Et donc forcément, il y a une concurrence. Il y a une concurrence de temps, tout simplement, de temps de cerveau disponible, pas au sens de TF1, mais au temps du fait qu'effectivement on a de l'information dans beaucoup d'endroits et de la très bonne information dans tous les canaux. Donc c'est au lecteur aussi de voir. Donc oui, je pense qu'il y a encore de la place, notamment parce qu'ils sont sur des créneaux un peu différents quand même chacun. Donc voilà, ils ont chacun leur savoir-faire, leur façon de transférer. Ils s'adressent pas au même public, de toute façon. En tout cas, on peut dire qu'il y a deux groupes. Il y a Science et Vie et Science et Avenir d'un côté, pour la science et la recherche. Parce que tous les quatre sont très généralistes, mais Science et Vie et Science et Avenir s'adressent à un public de gens curieux en général de science. La recherche et pour la science, nous adressons à un public un peu plus expert qui ont envie et qui sont très contents de lire des articles assez pointu et fort long, ce qui est pas l'habitude de nos jours, mais qu'ils continuent à réclamer. Nous, on a écrit en partie par des scientifiques eux-mêmes. Bien aussi, sûr, avec les comme la recherche. Voilà. Peut-être aujourd'hui, vous disiez, Cécile, le problème finalement, c'est qu'on n'a pas trouvé la solution miracle, la recette miracle pour avoir un modèle économique fixe, stable, bénéficiaire pour de la presse, magazine scientifique vulgarisée. Qu'est-ce qui pêche exactement? C'est outre le fait qu'il y a peut-être un déficit de lecteurs au fur et à mesure des années, donc un changement de support. Oui. Nous sommes bénéficiaires. Je parle juste pour moi parce que là-dessus je peux m'exprimer. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tendu. Voilà. Par exemple, la crise de Prestalis va nous faire très mal, comme à beaucoup d'autres titre, voilà, plus la crise habituelle. Mais effectivement, c'est beaucoup plus tendu aujourd'hui. Il y a effectivement une sorte de paradoxe qui fait que on vend moins, mais je pense qu'on touche plus de monde, notamment via nos sites internet. Voilà, on touche plus de monde, nos audiences montent beaucoup. Pendant la crise, d'ailleurs, effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus sur notre site. On a fait un fil, effectivement, de suivi sur cette épidémie tout au long et toujours maintenant. Donc, c'est juste parce que la presse en général, j'ai du mal à penser que la presse scientifique est différente, même si elle n'a pas forcément la même utilité pour rebondir sur ce que dit Yves, mais sinon, elle est dans le même contexte économique. Voilà, il y a eu un âge d'or dans la presse magazine dans les années 80, 90, où il y avait beaucoup d'argent et où ça marchait très bien et où la presse marchait à peu près sur deux jambes. Plus ou moins en fonction des titres, mais sur deux jambes, qui étaient la diffusion, les numéros vendus et la publicité. Plus ou moins selon les titres. Voilà. Et puis, tout a explosé avec l'arrivée d'Internet. Voilà. Bon, maintenant, il faut trouver d'autres façons de trouver une économie qui nous permette justement d'être indépendant aussi. Moi, je crois beaucoup que c'est important d'être indépendant et de pouvoir s'exprimer en notre nom. Et donc, pour être indépendant, il faut pouvoir trouver un système, un business model, comme on dit aujourd'hui, qui nous fait vivre. Donc, pour l'instant, ça fonctionne encore. Voilà. Et il faut voir comment on va s'adapter à l'évolution des usages aussi, parce que on n'écrit pas juste pour écrire, voilà, on écrit justement pour être lu, voilà, et pour toucher des gens intéressés par toutes ces informations scientifiques. Donc les usages aujourd'hui veulent que ça soit quand même plus, enfin de plus en plus, pas plus pour nous, mais de plus en plus sur Internet. Ben il faut s'adapter à ça. Yves Siaba, je vous pose la même question qu'à Cécile Lestienne. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de place, il y a un lectorat suffisamment vaste, suffisamment diversifié également, pour héberger, pour accueillir quatre titres de presse scientifique généraliste, quelles que soient leurs différences? Alors, je pense effectivement, comme le dit Cécile, que probablement, ça va supposer des adaptations techniques et autres. Je pense que le lectorat, il est là, toutes les études qu'on lit et tout ce qu'on entend de différentes sources montrent que l'appétit de science est très fort dans la société, et particulièrement dans les périodes de crise comme celle dont on sort, mais plus généralement. Moi, par exemple, je travaille pour un magazine agricole dans lequel j'ai une page de science, et on ne penserait pas forcément que c'est un milieu passionné par ça. Et ben on me dit que cette page fait partie des pages les plus lues du magazine. Et il y a très souvent des échos selon lesquels les pages sciences des journaux généralistes font partie des pages les plus lues. Donc je pense qu'il y a un appétit. Je voudrais dire qu'un des problèmes dans la période actuelle, c'est que effectivement avec Internet, il y a beaucoup de sciences gratuites disponibles en quelques clics. Mais cette science n'est pas forcément indépendante. C'est-à-dire que maintenant, toutes les institutions scientifiques, du CNRS aux grandes entreprises, je veux dire, que ce soit Sanofi ou Total, etc., ont tous leurs magazines, leur site internet, plein de canaux par lesquels ils diffusent de l'information, mais c'est de l'information qui n'est pas filtrée, qui n'est pas hiérarchisée, qui n'est pas traitée avec indépendance. Et du coup, ça donne l'illusion d'être de l'information journalistique, mais ça n'en est pas. Et je pense que voilà, ça c'est un des apprentissages que le public devra faire, pour comprendre la valeur ajoutée du journalisme scientifique. Moi, j'ai une question tout de même sur vous avez j'imagine fait des enquêtes, Cécile, pour savoir qui aujourd'hui, quel est le profil du lectorat de la presse vulgarisée magazine en France? Non, je peux pas avoir une idée du lectorat entier de la presse vulgarisée. J'ai une idée de mon lectorat. Oui, du lectorat pour la science. De lectorat pour la science, oui. Je vais demander à Yves Siaba pour l'élargir un peu. Voilà. Ce sont des gens, parce que c'est à eux qu'on s'adresse aussi, qui s'intéressent très fortement à la science, souvent parce qu'ils ont fait des études scientifiques. Et c'est pas du tout forcément, il y a une partie de chercheurs évidemment et d'étudiants, mais aussi des gens qui ont pu avoir fait des études de sciences, voilà, que ça soit des ingénieurs, des médecins, voilà, ou des gens qui parce qu'ils s'y intéressent profondément, ont envie de lire des articles très fouillés, voilà, et pas uniquement de savoir quelle est la dernière molécule trouvée, puisque ça c'est notre créneau. Voilà, et ce sont donc des gens qui, en général, ont un certain niveau d'études. Souvent scientifiques, mais pas que, voilà. Et on a de plus en plus de lectorat uniquement sur le web, des abonnés purement numériques, par exemple. Mais quand même, la grande majorité de nos abonnés ne sont abonnés, ce qui reste pour moi étrange, qu'au papier, voilà. Parce que ce genre d'information, aussi fouillée et aussi longuement expliquée, je lis encore plus facilement sur le papier, ce qui me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et puis avec évidemment une très très forte fréquentation numérique, Olivier Lascar, notre camarade, je précise évidemment, à titre d'honnêteté, mais nos auditrices et nos auditeurs le savent, que la méthode scientifique est partenaire de Science et Avenir. Olivier Lascar, qui est rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir, nous dit qu'il y a 18 millions de visiteurs uniques sur le site de Science et Avenir pour le mois de mars. Donc l'appétit pour la science. Oui, Cécile, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste dire que les études de lectorat montrent aussi que, ce qui me désole toujours, qu'il y a quand même plus d'hommes que de femmes qui nous lisent, voilà. Mais sur Internet, c'est beaucoup plus équilibré, et parmi les jeunes générations, c'est plus équilibré, ce qui aussi me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Peut-être un mot, Ifsiama, vous avez une connaissance justement du lectorat vraiment magazine, c'est-à-dire du lectorat papier. Est-ce que c'est un lectorat plus âgé que le lectorat bien numérique dont on suppose qu'il est plus jeune, ou est-ce que c'est finalement ça une idée reçue complètement fausse? Non, je pense que c'est pas une idée reçue, je pense que c'est vrai. Mais quand même, moi, ce sur quoi je voudrais insister au niveau de ce lectorat, c'est sa très grande diversité, c'est-à-dire qu'entre les lecteurs de Pour la Science et les lecteurs de Science et Vie Junior, par exemple, vous avez un spectre très très large de culture scientifique, un spectre socio-professionnel, et je pense justement que cette diversité est très importante, et peut-être que, enfin, d'avoir une offre diversifiée de journalisme scientifique, c'est très important pour pouvoir toucher toutes ces différentes strates qui parlent un langage légèrement différent, qui n'ont pas tous les mêmes codes et auxquels il faut accéder. Est-ce que je peux rajouter une petite chose? Bien sur sûr. La question que vous posiez auparavant, qui est, est-ce qu'il y a une possibilité d'expansion du journalisme scientifique dans notre société, alors qu'on voit des lectorats qui se contractent? Moi, je pense que on est à un stade où maintenant, il faut que le journalisme scientifique gagne les journaux généralistes et ce qu'on appelle les masses médias, parce que c'est peut-être là qu'il y a la plus grande possibilité d'expansion. Si vous regardez ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de sites, par exemple Internet d'information, j'ai eu des échos autour de moi et même ça m'est arrivé personnellement, qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de traiter ce qui se passait, et qui se sont mis à chercher des journalistes scientifiques pour leur écrire des papiers et pour analyser la situation, en fait. Et qui ont recruté, soit sous forme, avec un lien de pigiste, donc un lien relativement distendu, mais parfois même qui les ont recrutés dans leur rédaction. Et quand je vous dis que on est peut-être à un tournant, en tout cas c'est ça que j'espère, il faudrait vraiment que les médias se rendent compte d'à quel point ceux d'entre eux qui se sont dotés d'une force de frappe scientifique dans leurs journalistes, entre guillemets, ont fait un meilleur travail que les autres. Et c'est vraiment, ça saute aux yeux si on se tourne en arrière. Et donc je pense que l'existence de pages de science dans des journaux généralistes, de rubriques science dans les journaux télévisés, de journalistes science dans les radios, je sais qu'il y en a à Radio France un certain nombre que je salue, mais il y a beaucoup de radios privées dans lesquelles il n'y en a pas du tout. Et ben, je pense que là, peut-être, ce qu'on vient de vivre et puis l'avenir qui nous attend avec, bien sûr, la transition énergétique, climatique que nous abordons et qui va nécessiter beaucoup de réflexion sur les questions scientifiques. Et ben, je pense que là, il y a peut-être une occasion de faire bouger un peu ce modèle. On en a parlé, on va mettre un lien. On avait fait une émission consacrée justement au traitement journalistique de la crise de la Covid et avec toutes ces questions que vous évoquez, Ifsiama, avait été abordées assez largement. Il y a deux questions que j'aimerais vous poser. Une question qui appelle une réponse assez rapide. Aujourd'hui, est-ce que la presse scientifique vulgarisée, magazine, survit grâce à des subventions publiques, Cécile Lestienne ? D'argent public ? Non. Non. Non, mais c'est une vraie question. Non. La presse magazine en général ne survit pas grâce à l'argent public, sauf si on tient en part, si on tient compte quand même du fait que nous avons des tarifs postaux et privilégiés et une TVA privilégiée. Voilà, mais ça c'est vrai pour toute la presse en général. Donc, non, mais c'était important de préciser parce qu'on dit souvent que il y a des milliards d'argent public qui partent pour soutenir des tribunes de presse qui ne vivent justement plus que grâce à ces subventions. Mais juste préciser que c'est pas tout à fait. Là, ça concerne plus la presse quotidienne. Et tout ça. Et puis ça concerne aussi justement notre système de distribution qui est qui a été fondée sous de très très très bonnes intentions après-guerre et qui aujourd'hui n'est plus adaptée au XXIe siècle. Mais ça va finir par se résoudre. Ça, il faut effectivement repenser certainement Presstalis et la diffusion de la presse en France. Un tout dernier mot pour vous, Issiama. Aujourd'hui, quel est votre sentiment? Est-ce qu'il faut sauver la recherche? Bien sûr qu'il faut sauver la recherche. Moi, je vais vous dire une chose. On a fait une conférence mondiale des journalistes scientifiques l'an dernier qui a été... qu'on a co-organisé, qui était à Lausanne, et la première ministre suisse est venue l'inaugurer. Elle a dit, pour moi, dans un pays moderne, il faut des réseaux comme l'électricité et les chemins de fer, et le journalisme fait partie de ces réseaux qui sont essentiels à un pays qui fonctionne. Et donc, je serais pas choqué, moi, qu'il y ait des aides publiques à la presse, parce qu'effectivement, elle fait partie d'une démocratie qui fonctionne. Et je pense qu'effectivement, il faut sauver la recherche, parce que la recherche, même avec un lectorat modeste, et c'est un titre où j'ai commencé, donc qui est cher à mon cœur, c'est un magazine qui fait le poisson pilote, en fait. Mmh. Il défriche des thèmes... nouveaux, qui détectent des personnalités qui vont compter, qui détectent des problématiques. Et ensuite, si vous voulez, c'est... En un mot pour conclure, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. C'est repris par d'autres. Mmh. C'est repris par la télé, par les radios, et ça fait compte tout le champ social. Eh bien écoutez, si vous voulez, vous qui nous écoutez, soutenir la recherche, on vous a mis sur le fil Twitter de l'émission une pétition pour soutenir le magazine et pour accompagner nos camarades de la rédaction de la recherche qui sont évidemment assez inquiets du sort qui va leur être fait et qu'on l'on salue ici. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de l'état de la presse scientifique en France. Des excuses aux camarades de Sciences et Vie pour m'être un peu embrouillé sur ces histoires de plan social. Effectivement, 330 postes, 330 CDI, c'était sur l'ensemble du groupe Mondadori et avec 74 pigistes en moins, ça faisait 2/3 des journalistes de toutes les rédactions du groupe et pas seulement de Sciences et Vie. Désolé pour cette petite confusion. Merci beaucoup Axel Hunsbein, merci Yves Siama, merci Cécile Destienne. C'est un plaisir de vous revoir dans ce studio. On se retrouve vendredi d'ailleurs. J'espère pour bien. Le numéro spécial dont je vais vous dire un mot dans un instant. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique avec Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Donc programmation spéciale, je vous l'ai dit, pour la fin de saison. Demain à 16h, diffusion de l'entretien avec Ada Palmer, autrice de Trop semblable à l'éclair et deuxième tome, cette réédition qui vient d'être publiée au Bélial. Et puis vendredi, Cécile Estielle, Olivier Lascar, Jérôme Vincent, Simon Rio et tant d'autres pour une émission de SF plein la valise. Ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.